Amis auditeurs de Radio Guimauzou, bonsoir. Vous êtes bien sur une radio libre. Et l'émission de ce soir, c'est Calendrier des esclavages et des libérations. Alors, le programme, calendrier, bien sûr. Réforme des retraites et la réforme des retraites est une arnaque. Enfin, cette réforme des retraites est une arnaque. Coluche nous parlera des hommes politiques. Le système de santé français va-t-il tenir? Point d'interrogation. Adolfo Kaminski à l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, une vie de faussaire et de résistant. J'ai fait ça en déportation la première fois, Simone Veil. On raconte comment elle a appris à utiliser une truelle. Hein. Jean-Luc Mélenchon, Guyane, monde en transition, première partie, la séparation de l'Église et de l'État, ensuite Éric Coquerel, cette gouvernance à coup de 49-3 ne durera pas. Louis Boyard, France Insoumise, dénonce les cadeaux aux grandes entreprises. Et puis, voilà, des chansons, des histoires. Un sketch de Jean-Yann, Les Routiers. Bonsoir. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimes et moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zèle au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur, si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume avec mes yeux de joie mes larmes, loin des alarmes, coulant d'un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais. Le calendrier des esclavages et des libérations. Le 23 janvier. Le 23 janvier 1875, en Pologne, Karl Marx participe à la célébration du 12e anniversaire du soulèvement polonais de 1863. Il insiste sur la nécessité pour les peuples de combattre l'occupant étranger, comme c'est le cas en Irlande. Il conclut pour la Pologne, ce pays n'a et ne peut avoir en Europe qu'un seul allié, c'est le Parti ouvrier. 1879, Fidji. Extrait d'une lettre adressée à ce jour au gouvernement des îles Fidji à propos des Papous. Je pense que beaucoup de ces injustices révoltantes, des forts en voix, les faibles pourraient être prévenus si les gouvernants des peuples civilisés ne méprisaient pas la cause de la justice. 1899, Philippines. L'Assemblée révolutionnaire ratifie la constitution de Malolos. Aguinaldo est élu président du gouvernement clandestin. Les États-Unis, à leur tour, vont se tourner contre les insurgés. Oh, c'est étonnant, ça. 1905, Russie. Suite au massacre de la veille, la grève générale commence à Moscou. 1910, USA, victoire des ouvrières de New York en grève depuis 4 mois. 1910, USA, le prix de la viande étant trop élevé. 1 million d'Américains boycottent le marché et se privent de viande pendant 40 jours. Eh oui. Comme ça, ils ont privé les bouchers de bénéfices pendant 40 jours aussi. Et ah oui, le libéralisme économique, parfois... Hein. 1918, Russie, le congrès des soviets, des députés ouvriers, soldats et paysans de Russie, réunis à Saint-Pétersbourg, adopte la déclaration des droits du peuple laborieux et exploité. Déclaration des droits du peuple laborieux et exploité. 1958, Venezuela, une grève générale et une insurrection populaire renverse le dictateur Pérez Jiménez, 1952-1958, et ouvre la voie à un régime démocratique. 1978, Nicaragua, grève générale à l'appel du front large d'opposition. Frente Amplio de Opposición. 1981, Corée du Sud. La condamnation à mort de Kim Dae-jung, chef de l'opposition, est commué en peine de prison à vie. 1982, Amnesty International lance une journée mondiale des disparus. Chante ma chanson, les

La triple épidémie de grippe bronchiolite Covid qui frappe la France vient d'accentuer la grave crise du système de santé dont on disait qu'il était le meilleur du monde. Est-ce que ce système va s'effondrer ? On fait le point avec le docteur Gérald Kirziak. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, on est là. Voici nos invités. Bonsoir. J'ai suivi. Ah, vous avez suivi. Bah oui, vous connaissez suivi. Tout le monde, du coup. Bah bon. oui, j'ai suivi devant ma télé, comme tout le monde. Bonsoir, docteur. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo et chroniqueur santé dans les médias. Merci d'être avec nous. À titre personnel, comment allez-vous ? Moi, je vais bien parce que toutes les activités que vous avez données, ça me permet de faire mi-temps les urgences et je serai de garde demain soir et puis le week-end prochain et mi-temps autre chose. Et je crois qu'il y a beaucoup de confrères ou de consoeurs qui auraient besoin d'avoir une bouffée d'oxygène. Ouais. Parce que forcément, on est épuisé. Alors, vous disiez, il y a la triple épidémie, même si ça concerne des personnes âgées pour les épidémies de grippe et de Covid, et puis le VRS, la bronchiolite. Non, je ne regarde pas. Les personnes adultes. Et la bronchiolite, c'est plutôt, des bébés. Et je vous regarde sur les bébés. Mais c'est surtout un système qui est à genoux, avec des professionnels qui sont à genoux. Voilà. On va faire un rapide sondage. Je parle à tout le monde ici sur le plateau, le panel est 250 personnes à peu près. Je demande au public, aux invités, aux techniciens et aux chroniqueurs de participer. Qui a été frappé soit par la grippe, soit par le Covid, soit par la bronchiolite depuis la rentrée de septembre ? Ah oui, quand même. Docteur, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est, ça veut dire quelque chose ? On a tous été frappés par quelque chose, c'est-à-dire par un virus. C'est-à-dire que les personnes qui ont levé la main, c'est peut-être qu'ils ont eu un test Covid positif ou qu'il y a eu un test de grippe. Mais globalement, on a tous eu un peu la gorge. On discutait en loge avec madame qui avait un peu la gorge, chatouillait. Moi aussi. Enfin, bref, on a tous eu des virus. Et les autres années, qu'est-ce qui se passait ? Vous allez voir votre médecin quand ça dépassait un peu en termes de température. Mais depuis le Covid, on a fait... Moi, j'avais écrit dans le Figaro à l'époque... On a fait une espèce de génération d'hypochondriaques. Dès qu'on a quelque chose, on va tester, etc. Mais globalement, on a une épidémie de virus. Alors, on a plusieurs virus. Ça touche plusieurs catégories de personnes. Tout ça combiné à un système de santé qui, depuis des années, est dans des difficultés importantes. La combinaison des deux fait qu'on arrive à une saturation des urgences, saturation des cabinets. Parlons-en. Qu'est-ce qui fait que tout s'est effondré ? Ça s'est effondré le système de santé qu'on nous enviait à l'étranger. Ça s'est effondré. Nous, ça fait 10 ans qu'on voit la décadence du système de santé. On avait un très bon système de santé il y a 20 ans. L'OMS disait on a le meilleur système de santé au monde. Alors ça, c'était des classements qui étaient un peu fumeux. Mais nous, depuis une vingtaine d'années, j'allais dire depuis 10-15 ans, ça s'est franchement accéléré. Ça s'est accéléré parce qu'il y a eu des regroupements d'hôpitaux. Ça s'est accéléré parce que ceux qui décident ne sont pas ceux qui font. Et je crois que c'est vraiment important de le rappeler. Quand vous avez un directeur d'hôpital qui n'est pas du tout un soignant, il prend des décisions sur des critères qui sont ces critères de gestionnaire. En plus, lui-même a une pression extrêmement importante. Quand vous avez des directeurs d'agences régionales de santé qui eux-mêmes ont des critères économiques à respecter, etc., ils vont faire pression sur ceux qui sont en dessous, qui font au quotidien, les chirurgiens, les médecins, les aides-soignants, les brancardiers. Et à un moment donné, on est pris dans des... Vous savez, les psychiatres parlent d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on nous dit de faire des trucs de plus en plus vite. Et ça va contre notre déontologie, contre ce qu'on veut faire, c'est-à-dire aider les gens et tenir la main de quelqu'un dans un service d'urgence, par exemple, dans un service de gériatrie. Ça prend du temps, ça ne rapporte pas forcément de l'argent, mais vous avez ces injonctions paradoxales qui sont très difficiles pour les collègues infirmières, médecins, tous les jours, tous les matins, quand vous avez des gens sur des brancards qui attendent, qui n'ont pas de lit d'hospitalisation. C'est indigne quand vous attendez un lit d'hospitalisation, vous avez une personne âgée avec des escarres, c'est indigne d'attendre dans ces position-là. Et donc les solutions, en plus, on les connaît. C'est-à-dire que vous dites ça s'est effondré. Ça ne s'est pas effondré. Vous continuerez à être soigné, malheureusement. Mais de plus en plus mal et à un prix humain qui est de plus en plus difficile côté patient et côté soignant. Non, vendredi à Corbeil-Essonne, Emmanuel Macron a fait des annonces. Qu'est-ce que vous avez retenu ? J'ai l'impression que il a fait des effets d'annonce. Personne ne le croit vraiment. Pardon, il a fait des effets d'annonce. Moi, j'ai repris la presse avant même ces annonces. J'ai repris la presse de 2018. En 2018, il y avait exactement la même chose. Le président Macron va annoncer un grand plan pour le système de santé. Donc, il y a effectivement un problème de crédit de la parole politique. Mais ce n'est pas que le président Macron. Quand je vous disais que ça fait 15 ans qu'on voit la situation, c'est véritablement différents gouvernements. On nous a, j'allais dire, bassinés avec le virage ambulatoire. Vous savez, vous rentrez à l'hôpital le matin, vous père et puis vous sortez le soir, il n'y a pas besoin de lit d'hospitalisation. Ça s'appelait le virage ambulatoire. Formidable, on fait des économies, on ferme des lits, on regroupe des hôpitaux, etc. On fait des usines à malades avec une espèce de productivité qui... Vous savez, on a même eu des gens qui venaient nous expliquer comment on faisait rentrer les malades aux urgences et on les faisait sortir. Et ces gens, c'était des personnes qui étaient en charge des remontées mécaniques dans les stations de ski parce que bah, c'est un peu la même chose. On fait tourner les gens sur les remontées mécaniques. Sauf qu'aux urgences, ce n'est pas du tout la même chose. Non. Mais ça fait 10-15 ans, gouvernement de droite, de gauche, peu importe, qu'on nous donne des solutions qui ne sont pas des solutions applicables. Alors, quelles sont les solutions rapides? Juste, on n'a pas anticipé une chose, c'est le vieillissement de la population. Et le vieillissement de la population, bah, on ne rentre pas le matin, on ne se fait pas opérer à midi et on ne ressort pas le soir parce qu'on est isolé, parce qu'on n'a pas de famille, parce qu'on est loin de l'hôpital. Les solutions, c'est ceux qui décident doivent être ceux qui font. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et d'avoir ça, des Macron directeurs... Macron l'a proposé vendredi. Oui, il l'a proposé, mais de quelle manière? C'est-à-dire que si c'est pour avoir une caste médico-administrative, comme c'est le cas depuis des années, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on ait des gens qui sont le matin aux urgences, l'après-midi directeurs médicaux. Il faut qu'on ait des généralistes qui puissent aller enseigner à la fac. On peut, et puis on peut changer d'avis. On peut à 25 ans choisir une spécialité et puis à 45 ans, à plus avoir l'énergie ou plus avoir envie de faire cette spécialité. Donc ça, c'est la solution numéro un. Cette flexibilité et cette gouvernance, ceux qui décident doivent être ceux qui font, ça n'existe pas actuellement. Deuxièmement, il faut arrêter de fermer des lits. Il faut même recréer des lits. Il faut des hôpitaux de proximité. Les usines à malades avec des services d'urgence avec 300 malades par jour, c'est inhumain pour les malades, mais c'est inhumain pour les soignants aussi. Ça épuise des soignants. Donc, il faut des services à taille humaine et de proximité. Moi, j'ai la chance de travailler à l'Hôtel Dieu de Paris, qui est un hôpital à taille humaine. On a une petite centaine de malades par jour. On peut encore faire des choses. On pourrait même accueillir un peu plus de malades. Mais vous avez des collègues à Bichat, à Lariboisière, des collègues à Toulouse, à Bordeaux, dans des services d'urgence où il y a plus de 200 malades par jour. C'est pas possible, en fait. Surtout que le problème, c'est l'aval. C'est pas les malades qui viennent pour rien aux urgences. Moi, je connais pas de malades qui viennent pour rien aux urgences. On vient parce qu'on a une douleur, parce qu'on a une angoisse. Mais il faut arrêter de culpabiliser les malades. Il faut donner des moyens avec des services d'urgence de proximité et des hôpitaux de proximité. Parce qu'il faut un aval, il faut des lits d'hospitalisation pour coucher des malades. Ça paraît le béaba, ce que je dis, mais ça fait 15 ou 20 ans qu'on a oublié ce béaba-là. Et c'est ça qu'il faut recréer, cette humanité et cette proximité. Et la troisième chose... Et pourquoi ça se fait pas? Mais ça se fait pas parce qu'encore une fois, vous avez des gestionnaires qui sont à la tête des hôpitaux, à la tête du ministère. Oui, c'est logique et puis c'est la logique médicale, j'allais dire. Et puis ça redonnera de l'attractivité à notre métier. Est-ce qu'elle est chère, cette logique? Elle est chère, mais à un moment donné, vous savez, il faut investir pour gagner demain. Et je pense que tous les Français et les Françaises sont d'accord pour dire on va mettre de l'argent dans notre système de santé à condition d'en bénéficier. C'est inadmissible actuellement quand vous avez... Je connais bien Bernay. Bernay, c'est un hôpital en Normandie. On a supprimé la maternité. Et puis là, on est en train de supprimer le service d'urgence. Et derrière, on va supprimer la chirurgie et les lits d'hospitalisation. Mais les gens qui habitent là, c'est inadmissible d'accoucher dans le camion des pompiers, même si les pompiers sont compétents. Je veux dire, on accouche dans une maternité. On est en 2023 en France, on a droit à ça. Quitte à payer et à mettre de l'argent. Et pardon, regardez que la crise Covid, ça a coûté combien de milliards? En 2009, avant la crise Covid, on demandait des moyens pour les hôpitaux. On nous disait, ah non, 3 milliards, c'est trop cher. Combien ça a coûté, la crise Covid? Ça a coûté plus de 400, 500 milliards. Donc l'argent, à un moment donné, quand on veut le trouver, on le met. Mais surtout, ça redonnerait de l'attractivité. C'est-à-dire que si vous faites des services à taille humaine, si vous faites de l'humanité dans ces services-là, vous allez motiver les infirmières, vous allez trouver des jeunes médecins qui vont venir s'installer, il y aura un projet médical. Bref, vous allez recréer ce qui est le sens de notre métier, c'est-à-dire soigner les gens. Actuellement, on ne peut plus les soigner. Est-ce qu'il veut dire un petit mot sur... Non, moi j'ai... Pardon de se plaidoyer, mais... Non, vous avez raison. Moi j'ai quelqu'un de très proche qui était à l'hôpital là, récemment, à Dunkerque. Et le dévouement des soignants, des médecins, des aides-soignants, c'est hallucinant. Mais ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font. C'est très impressionnant. C'est même fou, quoi. Et des fois, on a l'impression que le gouvernement, il sait que finalement... Tous ces médecins, ces gens... Ils le feront quand même. Ils le feront quand même. Ouais. Il y a un petit peu ça quand même. C'est dommage. Ouais. C'est vrai, ils se disent, bon, de toute façon, ils ont ça en eux. C'est tellement extraordinaire leur métier. Ils le font tellement bien. Ils ne vont pas laisser quelqu'un. Donc, ils se disent, oh, c'est moins grave que dans un autre domaine. Donc, on donne un peu moins. Peut-être, hein, je ne sais pas. Sauf que les gens pètent un câble. Ils ne mettent plus en grève, ils démissionnent. Les infirmières partent. Regardez, en Angleterre, ça a été une première. Les soignants, les ambulanciers, les infirmières se sont mis en grève, mais non pas ce qu'on appelle une grève sparadrap. C'est-à-dire, vous êtes avec votre blouse et puis vous mettez en grève derrière. Tout le monde s'en fout de ça. Donc, en Angleterre, les infirmières et les paramédics ont dit, on arrête de soigner les malades. On ne vient pas au travail. On arrive à une situation où on doit effectivement, dans la balance, et pour sauver d'autres vies ensuite et pour avoir des moyens, se dire est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui avoir des grèves dures, parce que sinon on n'est pas absolument pas pris au sérieux. Et je suis d'accord. Et encore une fois, l'idée c'est pas de politiser au sens droite gauche, etc. Je crois que le gouvernement actuel hérite d'une situation qui est compliquée depuis des années, mais les soignants ne font plus confiance, les soignants partent et il faut vraiment que les patients le comprennent et se mobilisent, parce que on va tous pâtir de cette situation à terme. Alors, c'est valable en province, c'est valable à Paris, c'est valable dans les grands CHU, c'est valable chez les pontes comme chez les brancardiers, les aides-soignants. Et c'est cette chaîne de soins qui est complètement rompue. Les généralistes qui sont en grève aussi, c'est infernal d'être généraliste actuellement. Je veux dire, vous faites de l'abattage du volume pour 25 euros la consultation, vous faites souvent de ce que vous pouvez avec un réseau de soins qui est compliqué, pas de lit d'hospitalisation, pas de correspondant spécialiste. Bref, il faut rebattre les cartes et remettre le système à plat. Alors, on a un ministre qui connaît bien la situation, le diagnostic est bon, on attend plus que le traitement maintenant. Le message est compris. Gérald Kerzek, d'être venu sur le plateau de quotidien et à travers nous, passez un énorme bonjour au personnel de santé avec qui vous travaillez à l'Hôtel Dieu. Le piano du pauvre se noue autour du cou. La chanson guimauve, Toscanini s'en fout. Mais il est pas chien et le lui rend bien, il est éclectique. Sonate ou Java, concerto polka, il aime la musique. Que le piano du pauvre, c'est le Chopin du printemps. Sous le soleil mauve, des lilas de nos gens. Il roucoule un brin à ceux qui se plaisent bien et fait des avances. Ravel ou machin, c'est déjà la fin, mais v'là qui recommence. Le piano du pauvre se noue autour des reins. Sa chanson guimauve, ça va toujours très loin. Car il est pas chien, toujours il y revient, il a la pratique. C'est pour ça d'ailleurs que les histoires de cœur finissent en musique. Que le piano du pauvre est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, y a pas que lui qui s'en fout. Car on n'est pas chien, on le lui rend bien, on est éclectique. Jules ou bien machin, c'est déjà la fin, mais v'là qu'on y repique. Que le piano du pauvre, c'est pas qu'il est voyou. La chanson guimauve, on en prend tous un coup. Car on n'est pas chien, on a les moyens et le cœur qui plisse. Quand Paderewski tire de son étui l'instrument de service, le piano du pauvre n'a pas fini de jacter. Sous le regard fauve des rupins du quartier, pendant que les barbus du vieil institut posent leur bésicle pour entendre au loin le piano moulin qui leur fait l'article. Le piano du pauvre dans sa boîte à bobards tape un air guimauve en se prenant pour Mozart. S'il a l'air grognon et joue sans façon, déjà va pervers. Ce, c'est qu'il est pas chien et puis qu'il faut bien faire marcher le commerce. On n'avait pas le droit de laisser mourir les gens. On savait très bien à quoi ils étaient destinés. Adolfo Kaminski, c'est son vrai nom, mais le document est faux. Faux comme des milliers d'autres qu'il a fabriqués pendant près de 30 ans dans des laboratoires clandestins, de faux papiers pour sauver des vies. D'abord sauver la sienne, en 1943, quand on raflait les Juifs. Sur un carton, ben voilà, exactement comme celui-ci. Et donc j'ai collé la photo, j'ai rempli avec ma petite écriture de primaire, et puis mis le coup de tampon, et j'avais fait mon premier faux. Sur les cartes d'alimentation des enfants juifs, il y avait un grand tampon rouge juif en diagonale. Et il fallait donc l'enlever. Et c'était vraiment la course contre la montre. On n'avait pas le droit de laisser mourir les gens. On savait très bien à quoi ils étaient destinés. Rester éveillé le plus longtemps possible, lutter contre le sommeil, le calcul est simple. En une heure, je fabrique 30 papiers vierges. Si je dors une heure, 30 personnes mourront. Au bout de deux nuits de travail, un travail de fourmi interminable, l'œil calé au microscope, la fatigue est devenue ma pire ennemie. Retenir ma respiration, la main ne doit jamais trembler. La fabrication de faux papiers est une opération minutieuse, un véritable travail d'orfèvre. Plus que toute autre chose, je redoute l'erreur technique, la petite faute, l'infime détail qui aurait pu m'échapper. La moindre seconde d'inattention peut s'avérer fatale, et de chaque papier dépend la vie ou la mort d'un être humain. Je contrôle et recontrôle chaque planche de papier, elles sont parfaites, mais j'ai encore un doute. Je les contrôle à nouveau, je ne ressens plus aucune tension, pire, je pique littéralement du nez. Je me relève énergiquement pour me réveiller, fais trois pas, m'inflige une série de gifles, puis me rassieds. Une heure, 30 vies. Je n'ai pas le droit de flancher, je cligne et plisse les yeux pour retrouver une vision plus nette. Est-ce mon tirage qui est flou ou mes yeux qui n'arrivent plus à voir dans l'obscurité de la chambre noire ? La France utilisait la torture, les méthodes nazies, les méthodes de la Gestapo. Moi, j'ai trouvé ça absolument inadmissible. J'ai pas choisi l'Algérie contre la France. J'ai choisi la fin le plus rapide possible d'une guerre inutile. Jusqu'en 1971, il va aider encore des résistants, grecs, chiliens, sud-africains, toujours clandestins, toujours à l'insu de sa famille, jusqu'à ce que sa fille, Sarah, le conduise à briser le secret, à tout lui révéler, et elle en fait un livre. Je fais partie d'une génération où il y a très peu d'espoir. Et je trouve que le récit de sa vie est quelque chose qui donne de l'espoir et qui montre qu'on peut changer les choses, qu'il suffit d'en avoir envie et de s'en donner les moyens. Le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Les Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coup d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront: tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester. En 1967, je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les dix doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Rara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Les Pinochets en puissance travaillent aussi du dépit. Travaille aussi du képi. Ça a été mon métier. Donc là, les téléspectateurs français, en 76, ils se prennent la déportation de Simone Veil, mais en pleine figure. Je suis très douée. Vous avez une certaine technique déjà. Ouais. J'ai fait ça, vous savez, j'ai fait ça. Non, c'est pas ça, j'ai fait ça en déportation. Alors, je fais ça très bien. J'ai une excellente technique. Ça a été mon métier. Oui, c'est Simone Veil, telle qu'en elle-même, je dirais, à la fois si élégante avec sa pochette Dior, son chignon, elle est absolument parfaite. Et puis, une phrase qui détonne complètement dans On le sent bien, autour les gens. Ils ne savent pas très bien comment se comporter. Elle ne sait pas trop comment l'interpréter. Je ne sais pas avec qui elle était ce jour-là. Mais... C'est l'inauguration d'un hôpital, parce qu'elle n'est pas provocante non plus. Des rêves. nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. De l'autre côté de la rivière, tout autour de nous, il y a l'Amazonie. C'est 20% de l'oxygène à l'échelle mondiale. C'est la plus grande réserve de biodiversité française, alors que 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Nous sommes à Roura, c'est la Guyane, c'est la France et c'est la saison des pluies. Nous allons parler ce soir d'écologie, nous allons parler aussi de toutes les fractures françaises, de votre parti, de vos projets. Je tiens à débuter cette émission en remerciant les équipes de Guyane la Première qui nous ont aidés éditorialement, techniquement, à réaliser cette émission et ce qui me permet d'être face à vous ici ce soir. Jean-Luc Mélenchon, l'Amazonie, c'est donc aussi notre affaire à nous, les Français. Oui, c'est pour ça que c'est important que ceux qui nous regardent ce soir le voient de leurs propres yeux. Les trois grandes forêts qui sont sur l'équateur, en gros, sont les trois grands climatiseurs mondiaux. Donc là, nous sommes sur un point clé de la bataille planétaire contre les effets et contre le changement climatique. Comme nous sommes une nation amazonienne, nous avons donc des responsabilités devant l'humanité universelle. Mais une fois qu'on a dit ça, qui est le grand principe à réfléchir, il ne faut pas après qu'on se raconte trop d'histoires. Sur c'est la quoi façon les histoires ben, j'ai trouvé, vous savez, une manière exotique de voir l'Amazonie comme si c'était une forêt à la libre disposition des imaginations. Non. Ce n'est pas une forêt sans domicile fixe. Il y a 9 pays qui sont là et qui l'administrent. Par conséquent, s'occuper d'Amazonie, c'est traiter de relations internationales. Il y a des habitants aussi. Eh bien voilà, deuxième point, et non le moindre, il y a 34 millions de gens dans l'Amazonie. Et ici, sur le territoire français, nous y avons 300-400 000 personnes, plus un certain nombre de peuples originaires, comme les Bushinengue ou les populations amérindiennes. Il est donc absolument vain de s'imaginer qu'on va leur dire « Écoutez, touchez à rien, il faut sauver la forêt. » Donc il faut que ce soit un bien commun de l'humanité, l'Amazonie. C'est une... On pourrait le considérer comme ça, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Les pays sont attachés à leur souveraineté sur cette forêt. Donc il faut s'entendre. Et il n'y a rien de pire que de proclamer une grande chose et puis ensuite de n'en tenir plus aucun compte. Mais regardez bien, la forêt n'est pas malade d'elle-même. Sa maladie est politique et sociale. C'est ça que je voulais vous dire. Regardez, il y a des gens dedans. Politique et sociale, ça veut dire chaque fois qu'on décide sans demander aux gens ce qu'il y a dedans, ils s'y opposent. Et on le verra dans un instant. On va le voir dans un instant. Ensuite, la forêt est malade des grands trusts financiers qui déboisent pour planter des choses qui ensuite vont servir à nourrir les troupeaux. Et ça, nous y reviendrons au cours de l'émission, si vous voulez bien. Il y a un sujet sur lequel vous êtes particulièrement attendu ce soir, Jean-Luc Mélenchon, naturellement, c'est la réforme des retraites. Ce sera donc 64 ans avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Est-ce que vous déclarez la guerre sociale ? Je ne sais pas dans mes moyens. Je suis un citoyen, mais je, comme tout le monde, je réagis, j'écoute. Je suis exaspéré de voir ces tentatives permanentes pour duper les gens, les enfumer. Les gens sont braves. Le gouvernement, les gens sont braves, ils se disent « Bah, si ça marche pas, il faut qu'on fasse un effort. » Alors on leur fait le coup une fois, deux fois, trois fois. Et puis au bout d'un moment, on finit par se rendre compte que tout ça, c'est de l'enfumage. Non, il n'y a pas de problème de financement du système des retraites. C'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, tous ceux qui font des grands pronostics se trompent continuellement. On nous avait annoncé 10 milliards de déficit pour 2021, il y a 2,7 milliards d'excédent. On nous avait annoncé 10 milliards pour cette année, il y a 3 milliards. Le sujet, c'est de gouverner, c'est prévoir. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, plutôt, oui. C'est de se contraire de ce qu'on fait. L'argument du gouvernement, c'est de dire qu'il faut faire cette réforme, pas pour tout de suite, pour l'équilibre tout de suite, mais pour après, voilà. Pour préserver le système de répartition, qui sera déficitaire de 21 à 35 milliards en 2035. C'est ça qui se joue là, en disant, si on ne fait pas cette réforme aujourd'hui, on met en péril la solidarité entre les générations. Voilà, ce n'est pas vrai. D'abord, je ne peux que sourire devant les prédictions de gens qui se trompent tout le temps. Parce que si une seule fois ils avaient prévu quelque chose qui s'est réellement passé, on les prendrait au sérieux. Le rapport du corps, il avait annoncé 10 milliards de déficit cette année. Ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est écrit. Et cette année, c'est 3 milliards d'excédents. Donc disons qu'il y a peut-être des instruments qui fonctionnent pas très bien. Deuxièmement, au bout du bout de tout ce qu'on aura dit, on va passer à 64 ans. D'accord ? Ça veut donc dire que tout le monde va travailler davantage. Alors, posons-nous la question. Pourquoi devrions-nous travailler davantage ? Il y a, vous savez, un sujet d'enfumage permanent. C'est avant, il y avait 3 travailleurs pour un retraité en 1979. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc, la catastrophe s'avance. Oui. Mensonge. Un travailleur d'aujourd'hui produit 3 fois plus qu'en 1979. Donc, ce qu'il faut regarder, si on veut être sérieux... Le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ça ne vous a pas échappé non plus. Le nombre d'heures travaillées par semaine en Asie du Sud, ça, c'est l'OIT qui dit ça, c'est 49 heures. En Europe de l'Ouest, c'est 37,2 heures. Oui. Si on était tout seul, on pourrait décréter qu'on ne travaille pas. Mais on n'est pas tout seul. Voilà. Bon sang, j'y avais pas pensé. Alors, si vous voulez prendre un exemple, travaillez autant que les Roumains, travaillez autant que ces pays qui... Pourquoi ils travaillent plus que nous ? Souvent parce qu'ils n'ont pas les machines, ils n'ont pas l'accélération de la productivité qu'on a gagnée. Et puis, si vous voulez égaliser par le bas tout ce qu'on fait, payer les gens avec une biscotte beurrée, ça sera pas cher. Ce n'est pas sérieux de traiter comme ça. Le pays a diminué, la tendance historique, l'histoire longue, c'est la diminution par 2 du temps de travail pendant tout le siècle qui vient de s'écouler. Et pendant ce temps, on a augmenté, on a multiplié par 50 la production de la richesse. Là, un travailleur d'aujourd'hui produit 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Donc ça suffit. Donc la solution pour rester compétitif, ça n'est pas de travailler plus, c'est ce que vous dites ? Non. C'est quoi ? Eh bien, c'est de pouvoir travailler tous, pour pouvoir tous cotiser. Mmh. C'est de travailler mieux, pour avoir des produits de meilleure qualité. Donc, il ne faut pas abrutir les gens au travail. Et puis surtout, par-dessus de tout, il faut savoir partager. Parce que la clé du partage, le gâteau s'est considérablement élargi, mais la clé n'a pas changé. Les uns prennent tout, et les autres le reste. Et aujourd'hui encore, à l'heure à laquelle nous parlons, nous apprenons que des bénéfices gigantesques, jamais vus dans toute l'histoire de France, vont dans les poches de quelques-uns, tandis que tous les autres sont là à tirer la langue, à se demander pourquoi ils doivent travailler 2 ans de plus. Donc on ne regarde pas non plus ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, on est à 65 ans, en Espagne, Danemark, on est à 67 ans. Mais ce n'est pas une façon de raisonner, ça. Nous avons inventé des choses qui marchent très bien. Par exemple, le système par répartition, ce n'est pas dans tous les pays, il n'y en a pas aux États-Unis. Faisons comme les États-Unis, supprimons le système. Non, c'est pour le préserver qu'il faut faire la réforme, c'est ce que dit le gouvernement. Là vous venez de prononcer la parole décisive. C'est donc pour préserver le système par répartition que le gouvernement fait ça. Mais alors pourquoi a-t-il essayé d'abolir ce système par répartition ? Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, j'étais à l'époque parlementaire et on nous accusait de tout parce qu'on avait ralenti la discussion. Pour finir, ils y ont renoncé, les revoilà qui reviennent par la fenêtre, dire il faut travailler plus longtemps. Je vais vous dire ce qu'ils font. Dans ce domaine, comme ils l'ont fait pour l'école, comme ils l'ont fait pour la santé, ils saccagent tout pour que ça devienne un marché. Si vous n'êtes pas content de votre parcours sup parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous allez à l'école privée et vous vous endettez. Si vous n'êtes pas content de l'hôpital, vous allez à la clinique privée, etc. Et donc, mais attendez, c'est ça le cœur du sujet. Et donc là, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a 330 milliards tous les ans qui sont mis en circulation entre nous, les gens qui cotisent et ceux qui sont à la retraite. Et ces 350 milliards, comment les transformer en fonds de pension ? C'est ça leur objectif. C'est ce qu'ils ont essayé de faire l'année dernière. Et ils reviennent cette fois-ci avec la proposition. Pourquoi ? Parce que vous qui avez quelques moyens... Moi, bon, je suis déjà à la retraite, c'est plus le sujet. Mais vous, on y reviendra aussi. Vous n'êtes pas satisfaite de ce qui va venir au moment où vous prendrez la retraite. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre un plan épargne retraite. Alors le plan épargne retraite, qui c'est qui le paye ? Mais qui le paye ? les contribuables, parce que tout ce que vous allez mettre dans votre plan épargne-retraite va être retiré de vos impôts. Et ensuite, ben, vous aurez des magots comme ça qui vont se constituer. Quand vous entendez, alors j'entends le premier argument qui consiste à dire c'est de l'enfumage, il n'y a pas d'urgence en termes de finances publiques à faire cette réforme. Aucune. Surtout venant de gens qui présentent un budget en déficit de 20% et qui viennent pleurer parce qu'il manque 3% sur le budget total de la retraite. C'est une mauvaise plaisanterie. La dette publique arrive à peu près à 3 000 milliards d'euros. Les taux, vous le savez, remontent. La France va devoir lever cette année sur les marchés 270 milliards. Vous savez naturellement combien ça fait, un point de plus de hausse des taux sur la dette publique. C'est 40 milliards d'euros. Cette donnée-là, comment est-ce que vous arrivez à vous en extraire? Le FMI, par exemple, a fait la leçon à la France récemment en disant qu'il fallait une consolidation budgétaire en 2023. Mais le FMI a aussi un bilan, Madame Roux. Si j'étais un perdreau de l'année, si j'étais quelqu'un qui arrivait, mais moi j'ai vu tout ça, j'ai déjà entendu 50 fois le FMI. Le FMI remontait les bretelles de la France. Le FMI a remonté les bretelles à tout le monde et tous ceux qui l'ont écouté ont plongé dans le chaos, Madame Roux. Le FMI a ruiné successivement le Mexique, la Russie, l'Argentine. Le FMI est une organisation qui n'a aucun résultat positif à mettre à son actif. Alors maintenant, vous me parlez de la dette. Mais parfait, parlons-en. Sur la hausse des taux, et comment est-ce qu'on s'extrait, au fond, d'une logique que vous contestez sans doute, qui est la logique des marchés. On a vu en Grande-Bretagne que quand, à un moment donné, les marchés s'agacent, on l'a vu avec Liz Truss, c'est compliqué. Comment est-ce que vous extrayez de cette logique financière? Il vaut mieux, parce que si on ne s'en extrait pas, on est mort. Comment vous faites? Alors, attendez, commençons. Déjà, on pourrait mettre le budget en équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait depuis 1974 qu'on n'y arrive pas. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la méthode qui ne va pas? Puisque depuis 1974, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait depuis cette période? On baisse les impôts sur les entreprises. Le déficit de cette année correspond pile poil à la somme des déductions d'impôts qui ont été faites par le gouvernement Hollande et par le gouvernement de M. Macron. C'est-à-dire aux alentours de 150 à 160 milliards. Ce sont des déductions d'impôts qui n'ont été compensées par rien, pas un emploi. Tout s'est transformé en dividendes. Donc on augmente les impôts. Vous voyez comme vous parlez mal. J'ai pas dit les impôts, j'ai dit les impôts sur les dividendes. D'accord. Et ça, il y a des sous, beaucoup d'argent. Et alors, on peut dire, c'est normal, qu'ils profitent un peu. Parfait, que tout le monde profite un peu. Mais quand on est tous dans la mouise, il faut que tout le monde fasse un effort. Pas seulement toujours les mêmes et les autres qui ne font rien. Cette année, pour les salariés moyens, c'est 10% de salaire en moins. Parce que l'inflation, c'est ça qu'on vous prend sur votre paye quand vous allez au magasin. Oui, on va y venir, mais j'aurais déjà dit. Et puis deuxièmement, Et puis, voilà ce que c'est pour le travailleur moyen. Plus l'annonce qu'il va falloir travailler plus longtemps dans la vie. Mais pour les autres, c'est 80 milliards. Ils ne mettent pas un rond d'investissement. Regardez les chiffres. Où ont-ils mis tout cet argent? Ils ont acheté des machines, ils ont rajouté du temps libre. Non, tout pour eux. Et tout ça part dans la vie financière. Vous caricaturez pas en mettant toutes les entreprises dans le même sac. Je mets toutes les grandes entreprises dans le même sac. Mais je ne fais pas la... Pour moi, alors je vous remercie de me permettre de le faire, ce n'est pas pareil pour moi. La petite entreprise et la très grande. Et j'en ai par-dessus la tête de voir que les très gros se cachent dans les très petits. Mmh. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans la paysannerie, c'est vrai dans tous les métiers, on vous pousse devant. Ceux qui vont le plus mal, et les autres, pendant ce temps, sont bien cachés derrière. L'argument financier, vous y êtes arrêté. Oui. Venons sur le contenu de cette réforme Madame Roux, mais ça, c'est le boulot qu'on va faire maintenant. On va faire partout des réunions pour expliquer comment on l'a fait pour le traité constitutionnel. On va parler du mouvement social dans quelques jours. Mais d'abord, sur les mesures d'accompagnement. Dans cette réforme, il y a aussi des mesures sociales. C'est 6 milliards. Vous les connaissez, vous les avez vus, j'en égrène quelques-unes. Le dispositif carrière longue pour permettre à ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans de partir à 62 ans. Les femmes, les hommes en situation d'invalidité qui pourront réclamer un taux plein à 62 ans, ça fait 100 000 personnes par an. C'est 3 milliards. Une dernière, vous la connaissez, 85% du SMIC pour les petites pensions, 100 euros brut en moyenne pour 2 millions de retraités. Ces compensations sociales, là, est-ce qu'il n'y a rien à garder là-dedans? Mais madame, c'est de l'enfumage. Encore ? Mais bien sûr. Je vous fais la démonstration. Allez-y. J'aurais préféré qu'on évite d'entrer trop dans les détails techniques, mais j'y suis disposé, je vous l'avais dit. Il y a des vies derrière. Oui. Elle a annoncé... Ça dont je veux parler maintenant. Oui. D'accord ? Mais je vais d'abord commencer par... Quand on parle de détails techniques... Non, madame. S'il vous plaît. Nous allons parler de la vie des gens dans un instant. Mmh. C'est mon tour de dire dans un instant. Mais on commence d'abord par le baratin. Dire qu'on va donner 85% du SMIC aux gens... il faut préciser, qui ont une carrière complète. On parle de 2 millions de personnes. Seulement un tiers a une carrière complète. Et maintenant, je vais vous dire le pompon, le bouquet. Je n'aurais pris que cet exemple. Les autres, vous vous en débrouillerez. Ouais. Que cet exemple. Figurez-vous que cette disposition est dans la loi depuis 2003. Et elle devait s'appliquer en 2008. Depuis 2008, qui a été au pouvoir non-stop ? Monsieur Macron, pour une grande part, qui a été d'abord secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie pendant 2 ans, puis président de la République pendant 5 ans, et maintenant 1 an. Par conséquent, c'est de l'enfumage. J'ajoute que, alors ça ne fera pas 2 millions de personnes, mais seulement 1/3 d'entre elles, et ensuite ça ne fera pas 1 200, puisque dessus, il y a les ponctions qui doivent être faites sociales. Alors si vous voulez, il y a une manière de présenter les choses qui est inacceptable. Vous avez pris un autre exemple technique. Allez-y. On ne peut pas me coller. Entre 16 ans, on dit aujourd'hui, ceux qui ont travaillé, allez-y, pourront partir à 60 ans. Ouais. Faux. C'est seulement pour ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans qu'ils pourront aller partir à 60 ans. C'est-à-dire exactement la situation actuelle. Mais pour tous les autres, direction 62 ans, 2 ans ferme. Voilà. Donc, il faut... C'est ça que je m'en... C'est ça que vous allez combattre dans les semaines qui viennent. Mais bien sûr. C'est cette façon de duper les gens en leur disant « T'es content, Coco ? On t'a donné un petit quelque chose ?» Alors on dit « Ah bah d'abord, c'est tellement compliqué le temps qu'on arrive à comprendre. J'aime pas qu'on se moque des braves et des pauvres gens. » Et maintenant, je vais vous dire autre chose. Combien coûte le malheur ? Parce que les gens qui ne partiront pas à 62 ans, mais à 63 ou à 64, ou qui ne partiront pas à 60 ans, comme nous sommes un certain nombre à le proposer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est du bonheur que vous retirez de la société. Quel genre de bonheur ? Le temps utile socialement, c'est pas seulement le temps contraint par le travail. Le temps libre, c'est pas un temps où on fait rien. D'ailleurs, si on veut rien faire, on fait rien. Mais 50% des présidents d'associations sont des personnes retraitées. 40% des maires des petites communes sont des gens retraités. Quand vous êtes grands-parents, vous vous occupez de vos petits-enfants. Il y a des jours où ça vous agace un peu, mais le fait qu'il y ait une vie de famille, qu'il y ait une cohérence intergénérationnelle, c'est possible comme ça. Et celui qui a son conjoint qui est malade et s'en occupe, pardon, mais qui va payer tout ça, puisqu'il n'y a que les chiffres qui intéressent les gens et les économistes. Et le rapport des Français au travail a changé. Il s'est un peu inversé sur le rapport qu'ils ont au travail. La majeure partie des Français aujourd'hui préfèrent gagner moins et avoir l'avantage de temps libre. C'était inverse il y a une quinzaine d'années. Est-ce que ça veut dire que le sens de l'histoire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, travailler moins longtemps? Le sens de l'histoire, c'est qu'on a diminué le temps de travail et que c'est bien. Je ne crois pas que les gens soient moins déterminés par leur travail. Mais il y a travail et travail. Pour vous, pour moi, nous avons des tâches plutôt intellectuelles. Notre corps n'est pas usé comme ceux qui usent leur corps. Et puis, il y a aussi pour les gens qui ont un certain niveau de formation... l'envie de faire bien et proprement ce qu'on fait. C'est-à-dire pas tout le temps courir, pas tout le temps être branché. Vous avez connu la génération qui se targuait, qui était toute fière de rentrer à la maison avec l'ordinateur sous le bras, de travailler le soir et de travailler le week-end. Ceux-là, ouais, ils ont compris qu'ils se sont fait avoir. Parce qu'ils ont allongé gratuitement leur temps de travail pour rien. Et à la fin, ils se sont usés. Souvent, ils ont détruit leur vie de famille. Et toutes ces choses-là, tout le monde en a ras-le-bol. Et pas seulement ça, mal faire ce qu'on fait. Est-ce que vous sentez que chaque personne qui fait un travail aime bien le faire? Et j'ajoute, vous avez vu ce qui s'est passé avec les jeunes gens d'agro? C'est une école supérieure, c'est incroyable, hein, c'est les gamins. Vous voulez donner du sens à leur engagement? Alors ils disent, on est très contents d'avoir ce diplôme, on remercie nos parents et tous ceux qui ont payé, mais on veut vous dire, votre agriculture, on la fera pas. C'est eux qui ont raison. Et c'est vrai pour les jeunes ingénieurs. C'est-à-dire qu'en toute chose, il y a une demande maintenant de sens. Les gens ont assez d'être des appendices de la machine ou de l'argent. Comment, Jean-Luc Mélenchon, comptez-vous vous opposer à cette réforme? Elisabeth Borne vous appelle ce matin, elle appelle les forces syndicales, mais j'imagine aussi les forces politiques, à ne pas pénaliser les Français, alors qu'une journée d'action est prévue le 19 janvier, avec une mobilisation et des grèves annoncées à la SNCF, à la RATP, entre autres. Oui, elle manque pas de souffle. Elle va coller 2 ans de travail de plus aux gens et elle demande de ne pas perturber la vie des gens. Parce que vous pensez que les Français veulent le désordre? C'est pas le désordre, c'est l'ordre, là. Quand on s'exprime sur un sujet qui est d'intérêt général, qu'on s'engage comme citoyenne, parce que qu'est-ce que vous croyez? Que les gens qui font grève font ça par plaisir? Non. Vous oubliez qu'ils perdent les grèves. C'est les grèves et les blocages dont elle parle sans doute. Sans doute, oui, parce qu'elle n'aime pas ça. Il paraît qu'elle est de gauche. Moi, j'ai jamais compris en quoi elle était de gauche, cette femme. Mais en attendant, la démocratie sociale, ça a toujours existé. Puis dites donc, c'est tous les syndicats, cette fois-ci. Si c'en était les uns plutôt que les autres, on pourrait jouer la petite musique habituelle. Mais là, ils sont tous d'accord. Tous unis pour dire, ça ne peut plus durer. Y compris parmi ceux qui, d'habitude, discutent plus facilement que d'autres. Même cela en ont marre. Tout le monde en a marre de cette vie, et parfois, de cet avenir qu'on nous projette. Parfois, quand on en a marre, on penche vers la colère. vers la mobilisation, l'engagement, et puis parfois on penche vers la résignation, c'est l'individualisme. Vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer le 19 et les jours qui viennent? Comment est-ce que vous voyez les choses? Eh bien, le gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour écœurer les gens, pour leur dire de se calmer, de ne rien dire, de ne rien faire, et puis nous allons faire tout ce que nous pouvons pour motiver, pour mettre en mouvement. Je pense que l'unité syndicale est un formidable point d'appui. C'est la première fois qu'on a ça depuis je ne sais pas combien, peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est un formidable point d'appui et je crois que ça va être écouté. Parce que les syndicats jouent un rôle clé dans cette affaire. Oui. C'est eux qui construisent un rapport de force qui va coûter cher. Parce que vous aviez une marche cher. Organisée le 21, elle est maintenue cette marche? Il n'y a pas concurrence entre vous? Bah non, c'est absurde, pourquoi il y en aurait une? D'ailleurs, c'est pas ma marche, c'est la marche de 10 organisations de jeunesse. Alors nous, les Insoumis, c'est connu. On a dit depuis le début, il faut agir, il faut agir, il faut rien laisser passer. On avait été un peu dépité de ce qui s'était passé pendant le mois d'octobre et de novembre de l'année passée, avec des journées d'action par-ci par-là qui ne menaient à rien du tout contre la vie chère. Là, nous avons tous les syndicats, ils appellent à une grève générale, il y aura des grèves reconductibles dans certaines professions. Ne me dites pas que c'est une surprise. Tout le monde savait que les syndicats n'acceptaient pas. C'est pas une surprise pour vous non plus de savoir qu'Emmanuel Macron veut faire cette réforme. Il l'a dit pendant la campagne présidentielle. Alors, vous n'avez pas tort. Il l'a dit, et moi, j'ai passé mon temps à le répéter sur tous les tons partout. Mais on a eu une campagne présidentielle qui était absolument incroyable. On ne pouvait parler de rien. Moi-même, d'ailleurs, j'ai échoué à faire parler de l'eau, qui était un grand sujet. Le président ne voulait débattre avec personne. On a eu un deuxième tour complètement pipeau, parce que, une table ou une chaise serait élue en face de Madame Le Pen. Voilà, parce que c'est comme ça, aujourd'hui, que se présentent les choses. Si bien qu'on a pu parler de rien. Alors, c'était dans son programme. Mais la République prévoit évidemment qu'il vaut mieux appliquer le programme pour lequel on est élu, mais elle prévoit aussi qu'il n'y a pas de mandat impératif. Et il y a une démocratie sociale. Elle existe aussi. La démocratie, c'est pas juste je vote une fois tous les 5 ans, elle reste du temps, je reste à la maison, je ferme ma bouche et je suis docile. En plus, ça n'est pas le tempérament des Français. Et après tout, va-t-on s'en plaindre d'être une grande nation active, un peu bouillonnante? Et il y aura aussi une bataille à l'Assemblée? Ou pas. Mathilde Panot a dit qu'il y aurait 1000 amendements par parlementaire. Ça fait 75 000 amendements. C'est... Oui, et ça va permettre à des journalistes de dire, comme la dernière fois, qu'on en a déposé 700 000, ce qui n'était pas vrai. Oui, nous allons mener la bataille, je pense, la bataille parlementaire. Parce que notre système de fonctionnement est un système fédératif. C'est-à-dire le groupe décide pour lui-même et tout seul. Il élit ses dirigeants, etc. Le mouvement décide pour lui-même et tout seul. Et on s'arrange pour que tout ça... Ouais. Alors, moi, je n'ai pas à me prononcer sur ce que va faire ou non mais le groupe. Mais c'est constructif ou pas? Oui, parce que c'est du temps. Alors d'abord, il faut que vous sachiez une chose, si on fait l'information de ceux qui nous écoutent. Le projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale, c'est un exercice qui a sa règle. C'est des règles particulières. C'est une espèce de 49-3 déguisé qui est là, parce que le débat ne peut pas durer plus d'un certain temps. Alors au total, ça fait 50 jours. Si ça dépasse les 50 jours, l'aller-retour avec le Sénat, le gouvernement décidera tout seul et par ordonnance. Par conséquent, nous, notre intérêt, c'est que ça dure 50 jours, de manière à ce que le maximum de gens arrivent à comprendre de quoi ils sont menacés. Parce que ceux qui croiront le gouvernement ne s'en rendront pas compte, et tout d'un coup, ils se verront dépouillés sans le savoir. Donc nous allons faire une énorme campagne. Nous, on a fait déjà plus de 30 meetings, on en a encore je ne sais combien. Vous savez, on est capable, en 2005, on a montré qu'on était capable de renverser une tendance. Et vous dites que vous êtes capable de bloquer cette réforme, ce soir? Ah ben oui, on l'a bien réussi la dernière fois. Au lieu de désarmer l'Église, vous lui donnez des armes. Tout se borne à lui retirer le budget des cultes. Mais vous mettez par contre à sa disposition des biens soumis jusqu'à présent au contrôle administratif et vous les lui abandonnez en toute propriété, avec la faculté de les détourner de leur but et de les employer à la lutte contre la République. Vous spoliez la nation au profit de l'Église. C'est bien. Qui autrefois étaient affectés à un service public, doivent rester affectés à un service public. Mais puisqu'on le supprime ! Si vous supprimez le service public des cultes, ces biens trouveront une autre destination. La nation en fera l'usage qu'elle croira devoir en faire. Voilà quelle est la véritable solution. La seule solution, et j'ajoute, la solution équitable. Une confiscation n'est pas une solution équitable. Alors qu'est-ce que je demande à la gauche ? Je demande à la gauche de décider que l'Église, danger politique et danger social, doit être combattue de toutes les façons. Et je m'étonne qu'au moment où nous entreprenons contre l'Église un combat décisif, on nous demande de déposer les armes et de lui offrir un projet si libéral, tel qu'elle-même n'aurait jamais osé le souhaiter. Je ne vous dissimule pas que mon contre-projet tend à ce que la religion devienne la chose anormale et que la religion, avec un A privatif, devienne la chose normale. Je ne vous cache pas que mon contre-projet tend à déchristianiser le pays. Voyez-vous cela ? C'est une opinion, j'ai le droit de l'exposer. Je crois, messieurs, que le christianisme est un obstacle permanent au développement social de la République et à tout progrès vers la civilisation. Il faut le dire très haut, il y a incompatibilité entre l'Église et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, à la nature. Il suffit de lire l'histoire pour s'en convaincre. Quand le Dieu anthropomorphe des Juifs quitta les bords du Jourdain pour aller conquérir le monde méditerranéen, la civilisation disparut du bassin de la Méditerranée. Et il faut remercier les empereurs romains qui ont combattu de toute leur force l'invasion de cette philosophie puérile et barbare, si contraire au panthéisme et au naturalisme de notre race. Oh, le christianisme quitta Rome et la Grèce, où il avait étouffé toute civilisation, où il n'y avait plus que ruines et décombres. Quand il arriva en France, il n'y eut plus en notre pays ni art, ni lettres, ni science. Et il fallut la Renaissance, la Révolution française, pour redonner au cerveau de notre race sa toute-puissance et sa possibilité de progrès. Sous l'influence du judéo-christianisme, toute lumière avait disparu, il n'y avait plus que ténèbres. Aujourd'hui encore, combien de progrès ne sont pas réalisés parce que nous traînons derrière nous le lourd boulet du judéo-christianisme, avec son cortège de préjugés et de mensonges conventionnels. Le tourment de l'infini, direz-vous, ne faut-il pas le satisfaire? Que faisons-nous de l'idéal religieux? Il est vrai, messieurs, nous avons tous plus ou moins le tourment de l'infini. Et je vous assure qu'à gauche, nous nous penchons volontiers sur le problème de l'infini. Mais nous ne cherchons pas à le résoudre, car à nos yeux, il ne peut pas être résolu. Nous ne comprenons pas l'infini de la même façon que vous. Pendant que vous prétendez détenir la vérité, nous autres, nous voulons dire aux hommes et surtout aux enfants, personne ne détient la vérité. À toi, jeune homme, avec l'acquis de ton instruction, avec les données intellectuelles que tu pourras apprendre dans les écoles publiques et dans tes études personnelles, à toi de te constituer ta philosophie personnelle et de trouver ta manière d'envisager le problème de l'infini. Et nous n'admettons pas qu'un homme, le prêtre, vienne nous imposer ses idées, ni dogme, ni religion. Je veux citer un prospectus que j'ai reçu. Ces auteurs trouvent leurs adresses dans le bottin et l'envoient à tout le monde. Il s'agit des religieuses franciscaines de Romorantin. Ah, on tient boutique chez ces religieuses des objets les plus hétéroclites. Pour une somme modique, on vous adressera le scapulaire de Saint-Antoine, propre à faire retrouver les objets perdus, ou encore une bénédiction miraculeuse de Saint-François d'Assise, imprimée sur étoffe, avec le portrait. On vend aussi une amulette, dont le principal effet est de favoriser les accouchements, ou la collection des prières, qui vous font gagner tous les procès. Oui, nous protestons comme vous contre ces pratiques. Le Christ ne s'est mis qu'une fois en colère. C'est lorsqu'il a chassé à coups de fouet les marchands du temple. Monsieur Guéraud, je vous assure que quand nous recherchons un idéal, nous n'allons pas le chercher chez les dames franciscaines de Romorantin. Nous non plus. Alors que voulons-nous, nous, à gauche? Eh bien, nous voulons que les hommes se préoccupent un peu plus du monde extérieur, qu'ils sachent se faire leur paradis sur Terre sans aller le chercher dans un monde imaginaire. En attaquant les religions, nous faisons œuvre de progrès social. Nous tentons de faire disparaître un des moyens les plus puissants que possède encore la bourgeoisie pour tenir le peuple en esclavage. Et c'est pourquoi, messieurs, je vous demande de voter mon contre-projet, le seul capable de faire disparaître ces idées et la diffusion des idées religieuses, des idées mystiques, des idées superstitieuses, et d'émanciper tous ceux qui, actuellement, suivent encore les pratiques de certains cultes. S'il fallait donner un nom au contre-projet de M. Allard, je crois qu'on pourrait justement l'appeler « Projet de suppression des églises par l'État ». Très bien. Vraiment, au lieu de compter sur la seule puissance de la raison et de la vérité, notre collègue, dans sa hâte d'en finir avec la religion, se tourne vers l'État et il l'appelle au secours. Ah. Il l'appelle au secours de la libre pensée. Et il le somme de commettre au service de la libre pensée la même faute qu'il a commise au service de l'Église, et que nous n'avons cessé, nous, libres penseurs, de lui reprocher. Eh bien, cela, ça n'est pas la conception de la libre pensée, du moins telle que je l'interprète. Nous avons déposé devant la Chambre un projet de séparation très net, mais en même temps très large, très équitable, sachant concilier les droits et les intérêts de l'État avec le souci de la liberté de conscience. C'est à l'heure actuelle le seul projet dont le vote soit possible, et j'ajouterai même désirable. Je supplie mes amis d'extrême gauche de résister au désir de faire une manifestation anticléricale qui non seulement resterait inefficace, mais pourrait mettre aux mains des ennemis de la République une arme dangereuse. Je connais mon ami Allard. Je sais combien il est perspicace, avisé, je connais son attachement à la République. Et je reste convaincu qu'en déposant son contre-projet, il aura surtout voulu exposer devant la Chambre sa doctrine philosophique en matière de religion. Et même moi, je me félicite de cette initiative, car elle nous aura permis d'entendre un discours plein de verve, de fantaisie et d'originalité. Enfin, surtout beaucoup de fantaisie. Et d'ailleurs, elle aura aussi permis à ce côté de l'Assemblée de constater qu'il y a des nuances, et qu'entre le contre-projet de M. Maurice Allard et celui de la Commission, une certaine distance reste à parcourir. Monsieur Briand n'a répondu que de façon très sommaire à mes arguments. J'ai dit qu'il y avait un grand danger pour la République à offrir en toute propriété aux associations culturelles, qui seront en même temps des associations politiques, des biens qui sont en réalité des biens nationaux. Le danger est ainsi de maintenir l'unité de l'Église et d'empêcher l'Église, après la séparation, de se diviser en petites églises et en petites associations culturelles. Vous maintenez ainsi l'unité du bloc romain. Nous n'avons pas à provoquer des schismes, mais enfin, nous ne sommes pas là non plus pour les empêcher. La parole est à Monsieur Jean Jaurès. Jean Jaurès prépare son discours. À 45 ans, le député du Tarn s'est imposé comme le chef de file des socialistes français. Normalien, professeur de philosophie, c'est lui qui, en avril 1905, s'apprête à fédérer les différentes tendances du mouvement ouvrier en un seul et même parti politique, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Jaurès est l'homme de l'unité, l'homme de la synthèse. Lecteur de Karl Marx, il ne fait pourtant pas de la lutte des classes le moteur de l'histoire. Le socialisme, selon Jaurès, n'est que l'approfondissement de l'idéal républicain, l'application à la propriété de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur la séparation, le grand tribun a d'abord étonné en gardant le silence. Partisan de la laïcité, Jaurès n'est pas pour autant fermé aux idées religieuses. Ses propres amis, en 1901, avait d'ailleurs été scandalisé d'apprendre que sa fille Madeleine avait fait sa première communion. On sait maintenant que le silence de Jaurès était purement tactique. Le leader socialiste peaufine ses arguments. Son papier restera dans sa poche, car Jaurès parle sans aucun texte sous les yeux, mais les députés s'attendent à un discours décisif. Aristide Briand et Maurice Allard, tous deux socialistes, défendent deux textes différents et inconciliables. Seule l'intervention de Jean Jaurès peut décider l'extrême gauche à appuyer la commission. L'article 4 en particulier déplaît aux anticléricaux. La création d'associations cultuelles conformes aux vœux des évêques leur semble une concession exagérée. Les plus acharnés ne cachent pas leur volonté de faciliter les schismes pour affaiblir l'Église de Rome. Si les associations cultuelles se constituaient en dehors de la hiérarchie ecclésiastique, sur un modèle démocratique, de multiples dissidences viendraient rompre l'unité de l'Église catholique et ruiner l'autorité du pape. C'est ce que recherchent les anticléricaux. Aristide Briand, qui ménage l'Église pour assurer les modérés, doit aussi convaincre les libres penseurs pour avoir une majorité. La gauche va-t-elle s'unir ou se diviser ? La parole est à M. Jean Jaurès. Tous les observateurs s'accordent à reconnaître qu'un éclatement du camp républicain serait fatal à la séparation. Messieurs, cette loi va attribuer demain des biens à des associations cultuelles régulièrement investies en harmonie avec l'organisation de l'Église catholique. On a dit qu'on ne voulait pas préparer de schisme, mais qu'on ne voulait pas non plus les empêcher. Et cependant, il en est qui paraissent concevoir que l'Église catholique sera diminué dans sa puissance, non par le progrès direct. À

C'est déjà une blessure faite à notre conception de la démocratie, celle d'une démocratie parlementaire pleine et entière, à l'opposé de la monarchie présidentielle qu'est la Ve République. Mais là, il s'agit de quelque chose d'encore plus grave. Vous utilisez le 49-3 parce que vous vous savez minoritaire dans les deux chambres du Parlement. Vous êtes minoritaire, donc vous supprimez le vote. Dans combien de démocraties réelles peut-on procéder ainsi dans le monde ? Vous n'utilisez pas le 49-3 contre des oppositions, mais bien contre l'Assemblée nationale et son droit qui devrait être intangible de voter les lois et en l'espèce le budget. Dès lors, vous aviez le choix, que vous avez fait mine d'ouvrir dans les dialogues de Bercy, composer avec le Parlement ou bien le soumettre par la brutalité du 49-3. Il vous aurait même été possible de tenir compte de cette nouvelle donne, votre situation de minoritaire, dans l'utilisation du 49-3, en y intégrant par exemple des votes manifestement majoritaires au Parlement. C'eût été au moins une façon de reconnaître un état de fait et par-delà la souveraineté de la représentation nationale. Quelques exemples. La CVAE, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, pour commencer. Ici, en première lecture, vous avez arrêté les débats juste avant l'article 5, certains que vous seriez contraints d'effacer ou au moins de reporter sa suppression. La même sentence vous est d'ailleurs venue du Sénat. Résultat, vous imposez sa suppression par le 49-3. Pourtant, même des députés plutôt économiquement libéraux, ici, vous alertent. Est-ce normal que vous fassiez payer à tous les Français, par plus de déficit ou par une baisse des dépenses publiques, ou bien les deux, ces 4 milliards de baisse de fiscalité des entreprises, qui plus est, qui bénéficieront aux trois quarts aux grosses entreprises ? Est-ce normal, alors que le chef de l'État admet lui-même un taux de croissance d'un demi-point, 14 milliards, inférieur à celui des 1% que vous avez maintenu mordicus et contre toutes les prévisions des organismes internationaux pour établir votre budget, ces 4 milliards de recettes volatilisées auraient été pourtant bien utiles quand il faudra pallier ces différences dans votre impact budgétaire. Ici, votre entêtement idéologique est une erreur économique funeste, mais en plus, il prive le Parlement de son rôle premier, celui-même qui fut son acte fondateur, décider de l'impôt. Les deux chambres avaient aussi toutes les deux voté, sous des formes différentes, pour plus de moyens accordés aux rénovations thermiques. Vous leur opposez un réalisme qui vous conduit à limiter la progression du budget de cette partie essentielle de la nécessaire transition écologique en dessous de l'inflation. Ce réalisme-là est aveugle. En réalité, face à l'urgence de la situation que pourtant vous avez fait mine de défendre à la COP27. De cela, les générations à venir ne pourront que vous en vouloir, je vous le garantis. Car ce budget, et c'est peut-être sa plus lourde faute, nous fait perdre de nouveau du temps précieux, peut-être irrattrapable dans la course de vitesse avec le réchauffement climatique. Le think tank I4CE, Institut de l'économie pour le climat, le confirme en soulignant que les investissements prévus dans ce budget pour la transition écologique s'éloignent fortement des 10 milliards par an d'investissements qui avaient été promis par le président pendant sa campagne et s'inquiète de l'absence de moyens suffisants pour apporter une réponse structurelle à cette crise et éteindre l'incendie, ce que l'économiste Pisani Ferry chiffre à plus de 70 milliards d'euros par an. C'est vrai aussi du soutien au transport ferroviaire. 3 milliards votés ici, une baisse de la TVA à 5,5 pour les trains et les transports en commun votés au Sénat, qui plus que jamais, dans la même optique environnementale, devrait bénéficier d'un investissement massif, fret compris. Alors même qu'on continue à supprimer des trains, des arrêts en gare partout en France, comme sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Que le chef de l'État imagine des RER dans les grandes métropoles, quand le RER existant, le métro et les bus aussi d'ailleurs, placent 10 millions de nos concitoyens franciliens dans une galère toujours plus insupportable en raison de transports trop chers, trop saturés, trop en retard, trop en panne. Tout cela dépasse l'entendement. C'est vrai aussi, je m'arrêterai là dans mon énumération, des collectivités locales auxquelles vous voulez faire payer l'austérité sous des formes punitives et des contraintes inacceptables et qui, au contraire, devraient au minimum bénéficier de dotations indexées sur l'inflation. Votre incurie à proposer un budget suffisant pour répondre aux besoins environnementaux n'a d'égal que votre cynisme à trouver des solutions indignes. Comment choisissez-vous d'aider l'Office français de la biodiversité qui manque de moyens humains et joue un rôle important ? En augmentant son budget ? Non, en créant un loto de la biodiversité. Voilà l'importance qu'accorde votre gouvernement à la protection de l'environnement. Au lieu d'augmenter le budget de l'OFB, au moment où la COP15 tire elle aussi le signal d'alarme de la 6e extinction des espèces, vous faites de l'État le croupier de la Française des Jeux. Philosophiquement, c'est un affaiblissement de l'État. Peut-on accepter qu'une politique majeure soit financée de manière aussi incertaine ? Après le loto du patrimoine, le loto de la biodiversité, jusqu'où ira votre imagination ? Un bingo pour les sans-abri ? Un poker contre la pauvreté ? Cette proposition est d'autant plus indigne qu'elle encourage les jeux d'argent. Nous savons qui sont ces personnes qui sombrent dans l'addiction, les plus jeunes et les plus défavorisés. En leur donnant une bonne raison de jouer, vous ne faites qu'entraîner encore plus l'addiction. Ce loto de la biodiversité a été rejeté à droite comme à gauche, supprimé au Sénat et en commission, y compris avec le vote de membres de votre majorité, mais vous le gardez. Et alors que vous nous opposiez le manque de moyens dans un budget prétendument à l'euro près, vous créez une nouvelle niche fiscale pour les captifs de réassurance. Par cet article, vous permettez aux entreprises qui créent une filiale de réassurance de pouvoir déduire de leurs bénéfices les fonds transférés à ces filiales d'assurance. Autrement dit, elles peuvent à leur main modifier leurs bénéfices artificiellement en transférant des fonds vers ces filiales. D'une part, c'est un nouveau cadeau aux grandes entreprises. Est-ce que vous connaissez une seule PME disposant d'une captive d'assurance ? Publicis Total, elles, ont créé des captives d'assurance. Pourtant, je doute qu'elles aient besoin de nouvelles niches pour les protéger. D'autre part, vous justifiez cette niche par le fait qu'en l'absence de celle-ci, les grandes entreprises créent des captives, mais au Luxembourg ou en Suisse. Alors, pragmatique, vous préférez aligner la législation fiscale française sur celle de ces États, faire de la France un paradis fiscal plutôt que lutter contre l'évasion. Je vous applaudis. Ce n'est pas pourtant la demande des Français. Sur la forme, votre retraite, ces dispositions du premier texte de loi des finances issu du 49.3 devaient illustrer votre prétendue volonté d'écoute. Votre prétendue volonté d'écoute, Bruno Le Maire l'a illustré en retirant cet amendement à la demande de Valérie Rabault. Votre prétendue volonté d'écoute, Elisabeth Borne l'a illustré en n'intégrant pas cette proposition dans le texte post-49.3. Mais cette volonté d'écoute a désormais disparu, puisque cette proposition fait désormais partie du projet de loi. L'écoute des députés disparaît après un mois, mais l'écoute des lobbies, elle reste, puisque ce sont les lobbies de ces très grandes entreprises qui sollicitent un tel dispositif. Et vous le savez, au nom de la parole que vous aviez donnée devant cet hémicycle, Madame Elisabeth Borne, je vous demande solennellement d'écouter la représentation nationale et de retirer cette disposition du texte de loi. Ces méthodes, vous ne pourrez pas les prolonger très longtemps. Écouter les lobbies, museler les oppositions parlementaires n'est pas un projet démocratique. Hier, le PLFSS, aujourd'hui le PLF, demain les retraites, par un PLFSS rectificatif qu'on nous annonce. Votre gouvernance à coup de 49.3 ne durera pas. Votre autoritarisme aveugle aux besoins des Français non plus. Votre surdité aux appels des députés, des sénateurs, des citoyens est tant intenable face à l'ampleur des crises sociales, énergétiques et écologiques que nous traversons. Et ce qui est tout aussi intenable, c'est votre obstination à détruire notre modèle social pour ne surtout pas puiser du côté des revenus du capital pour nous permettre de nous en sortir collectivement. Demain encore, les Français marcheront et manifesteront pour s'opposer à votre projet inique de faire payer la crise et vos cadeaux aux plus grandes entreprises par le plus grand nombre dans votre projet de retraite. Minoritaire au Parlement, minoritaire face aux syndicats unanimes, minoritaire dans le pays sur cette question des retraites, il vous faudra cette fois plus bien plus qu'un 49.3 pour vous en sortir. Merci. Je vous remercie. Où va l'argent ? C'est la question que se posent beaucoup de Français. Ils payent des impôts, ils payent des taxes. Pourtant, les RER sont bondés, les hôpitaux s'effondrent, les profs manquent, les étudiants galèrent et les retraités ont des pensions de misère. Les Français vous le demandent. Où va leur argent ? Vous leur répondez, c'est la faute des étrangers. Vous leur répondez, c'est la faute des chômeurs. C'est la faute des fonctionnaires. C'est la faute des pensions de retraite. Vous leur répondez tout ce qui relève de la dignité humaine sans jamais citer le véritable scandale d'État. Ce scandale des 200 milliards d'euros d'aide publique donnés aux grandes entreprises chaque année sans aucune contrepartie. Alors, 200 milliards, c'est quoi ? C'est près de la moitié du budget de l'État. C'est 3 fois le budget de l'éducation nationale. Et ces 200 milliards d'argent public, ils vont où ? À 80% dans les caisses des très grandes entreprises et de leurs actionnaires. Le gâteau pour le CAC 40, des miettes pour les petites entreprises, les boulangers et les artisans. Et ces aides aux entreprises, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple le CICE, qui coûte 20 milliards d'euros à l'État par an depuis 2013, pour à peine une centaine de milliers d'emplois créés. Avec tout cet argent, on aurait pu financer 500 000 emplois dans la santé et l'éducation, payés 2 000 euros net par mois. Je dis à ceux qui passent des journées entières aux urgences, faute de soignants. Je dis à ceux dont les enfants n'ont pas de professeur depuis des mois, qu'il y a des responsables. Ce sont ces gouvernements qui s'agenouillent devant les actionnaires, tout en piétinant les intérêts du peuple. Il y a 2 mois, ce sont les mêmes qui ont supprimé l'impôt CVAE perçu par les communes. Il y a 2 mois, c'est encore eux qui ont offert des milliards aux grandes entreprises pour ensuite mentir en nous disant qu'il manque de l'argent pour les retraites. Aujourd'hui, ils osent se présenter devant les Français pour leur dire « il n'y a plus de sous, il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, jusqu'à 67 ans, il va manquer d'argent dans les caisses de l'État ». Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de problème de financement des retraites. Le gouvernement l'a même avoué dans un document officiel. Cette réforme n'a qu'un seul but, compenser la baisse des impôts pour les plus grandes entreprises. Et tout cela est écrit noir sur blanc dans le projet de loi de finances 2023, à la page 9 de votre document. Les Français doivent le savoir. Vous voulez les faire travailler plus longtemps pour faire des économies. Des économies qui serviront à gaver les actionnaires de la Société Générale, de Total ou encore de Carrefour avec l'argent de la retraite des Français. Mes chers collègues, tout est une question de volonté politique. Pourquoi vous qui prétendez être les meilleurs amis des entreprises êtes incapables de venir en aide aux petites et moyennes entreprises ? C'est simple, c'est parce que ce ne sont pas elles que vous cherchez à aider. Je rappelle, 80% de ces aides publiques sont accaparées par les très grandes entreprises. Et combien sont-elles, ces multinationales, qui, ayant profité des aides publiques, ont procédé à des licenciements massifs dans la foulée ? Ford, Goodyear, Continental, Bridgestone, Danone et j'en passe. D'une main, le gouvernement tente d'enterrer notre système de retraite parce qu'il n'y a plus de sous. Et de l'autre, il gave d'argent public les grands groupes, ces profiteurs de crise qui se foutent de l'emploi et ne se soucient que des profits des actionnaires. Résultat, les boulangers, les fleuristes, les plombiers, eux voient à peine la couleur de ces 200 milliards. Alors oui, j'assume de le dire devant vous que c'est eux que nous devons aider. C'est eux que nous devons aider en priorité et pas les Pouyanné et les Bolloré. Aider les entreprises, oui, cela est nécessaire, mais pas sans contrepartie et certainement pas sans contrôle social et écologique. Parce que lorsqu'un étudiant crève de faim pour toucher sa maigre bourse, il doit justifier de sa situation auprès du CROUS. Lorsqu'une personne est privée d'emploi afin de bénéficier du RSA et du chômage, il lui faut aussi justifier régulièrement de sa situation devant la CAF ou Pôle emploi. Donc en France, quand on dépose de l'argent public pour aider les gens, chaque euro est contrôlé. Par contre, quand il s'agit d'aider les grands groupes, c'est open bar. De qui se moque-t-on ? Alors que vous voulez imposer aux Français de travailler jusqu'à 64 ans pour faire des économies. Les entreprises du CAC 40, elles, ont reversé à leurs actionnaires près de 80 milliards d'euros. Et toutes avaient reçu des aides publiques. Et si on faisait contribuer ces profits dopés aux aides publiques au financement des retraites plutôt que de reculer l'âge de départ ? Alors oui, je vous le dis, la retraite à 60 ans, c'est possible. Mais pour ça, il faut que chacun prenne sa part, comme nous le dit la Première ministre. Alors, plutôt que de faire trimer les infirmières jusqu'à 64 ans, mettons à contribution les actionnaires et contrôlons les aides publiques. Merci à vous. Je vous remercie.

Sacha. Fredo. Quoi? Tu m'aimes? Rue de presse, politique, réforme des retraites, front uni de la gauche. La gauche avance unie contre la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, dans la rue et dans l'hémicycle. Un premier meeting commun a eu lieu, un autre est prévu cette semaine contre la mère des réformes et surtout Emmanuel Macron. Une future usine de production d'hydrogène, point d'interrogation. Rambervillé. La communauté de communes de la région de Rambervillé est en pleine discussion avec une entreprise vosgienne dans le but de produire de l'hydrogène à partir de panneaux photovoltaïques surplombant des terrains agricoles. Alors, Jean-Luc Mélenchon, moi voici de retour dans la capitale du pays que les riches tondent sans honte et sans gêne. Le tableau fait par le rapport d'Oxfam paru cette nuit est stupéfiant. Les dix premiers milliardaires français ont engrangé 189 milliards d'euros depuis 2 ans. L'équivalent de 2 ans de factures de gaz, d'électricité et d'essence pour l'ensemble des ménages du pays. Bernard Arnault possède plus que près de 20 millions de ses compatriotes. Et coup de massue, voici la nouvelle la plus frappante, une taxe de 2% sur la fortune des milliardaires français, soit 42 personnes, suffirait à financer les 12 milliards annuels de déficit des retraites que le gouvernement juge intenable. On a raison de se battre. Le 19 et le 21, on déferle avec les syndicats. Mission de conseil de Jean Rottner, plainte contre X auprès du PNF. La démission surprise de Jean Rottner de la présidence du conseil régional du Grand Est et son recrutement par le groupe immobilier Réalité, ainsi que la révélation de ses diverses missions de conseil effectuées de 2019 à mars 2022 pour des émoluments globaux de 150 000 euros, continue de susciter de nombreuses réactions, y compris désormais sur le plan judiciaire. Ainsi, l'association anticorruption AC, créée à l'été 2021 par d'anciens membres alsaciens et lorrains de l'association Anticor, a-t-elle adressé une plainte contre X au parquet national financier, mercredi 11 janvier, par l'intermédiaire de son avocat Vincent Poudampa, inscrit au barreau de Bordeaux. Une plainte pour favoritisme et prise illégale d'intérêt dont le PNF n'avait cependant pas encore accusé de réception jeudi 12 janvier. Voilà. Ah oui, il faut faire attention pour qui on vote, hein. Oh là là là. Si on suit les informations entre guillemets qui nous sont données, évidemment, on est enduit avec de l'erreur et on vote mal. Et ensuite, on subit les conséquences pendant des années de notre vote manqué. Chat GPT, intelligence artificielle, chat ou chat peut-être, hein, qui sait, c'est un chat. Les IA doivent être utilisées de manière responsable et éthique, fermons les guillemets. Comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne sait pas ce qui est une IA? Ah, je suis une intelligence artificielle, un programme informatique capable de comprendre et de répondre à des questions en utilisant une grande quantité de données. Alors, es-tu intelligent ? Je suis un modèle de langage informatique qui a été entraîné avec des quantités massives de données textuelles, ce qui me permet de comprendre et de générer des phrases en plusieurs langues. Je peux répondre à des questions, générer du texte, traduire des phrases, etc. J'ai une grande capacité de traitement de la langue naturelle. Mais il est important de souligner que mon intelligence, entre guillemets intelligence, est limitée à cette tâche spécifique. On peut dire que je suis capable de résoudre des tâches assez complexes, mais je n'ai pas la conscience, les émotions et les capacités de raisonnement que possèdent les êtres humains. Donc, quand on parle d'intelligence, faut savoir de quoi on parle. Hein. Intelligence artificielle, c'est pas tout à fait l'intelligence humaine. Hein. Ah, ben oui, loin de là quand même. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Combien des langues connais-tu et lesquelles ? Je suis entraîné sur plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'allemand, le néerlandais, l'arabe, le chinois, le coréen, le japonais, le russe et le turc. Je suis capable de comprendre et de générer du texte dans ces langues. Beaucoup de critiques sont adressées aux intelligences artificielles, notamment qu'elles peuvent être détournées à des fins malveillantes ou mettre des gens au chômage. Qu'en penses-tu ? Il est vrai que les intelligences artificielles peuvent avoir des conséquences négatives si elles sont utilisées de manière malveillante ou inappropriée. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour diffuser de la désinformation, surveiller les citoyens ou automatiser des tâches qui pourraient causer des pertes d'emplois. Cependant, il est important de noter que ces conséquences négatives ne sont pas inhérentes aux technologies d'intelligence artificielle elles-mêmes, mais plutôt découlent de la manière dont elles sont utilisées et gérées. Il est donc important de mettre en place des réglementations et des normes éthiques pour veiller à ce que les technologies d'IA, intelligence artificielle, soient utilisées de manière responsable et éthique. Ouais, de manière intelligente, quoi. Hein ? Ben oui, voilà. Char, Challenger 2, guerre en Ukraine, livré à Kiev, un tournant, point d'interrogation. Le puissant Challenger 2, parmi les plus puissants chars lourds du monde. Le Royaume-Uni va fournir des chars Challenger 2 à l'Ukraine. Il devient ainsi le premier pays occidental à envoyer des chars lourds pour aider Kiev face à l'invasion russe. Londres va également fournir des systèmes d'artillerie supplémentaires à l'Ukraine. Bon, espérons que ça ne va pas élargir le champ de cette guerre, que ça ne va pas en faire une guerre totalement européenne et ou même mondiale. Qui sait ? Qui sait ? Ce que veut Poutine, ce que veulent l'OTAN, etc. Hein ? Qui sait ce qu'ils veulent, nos gouvernants ? Brésil, Bolsonaro visé par une enquête, un ex-ministre arrêté. Bolsonaro, bon, faudrait qu'il disparaisse définitivement celui-là. Hein ? Ah oui. L'Allemagne paiera. Il y a 100 ans, l'Allemagne vaincue, rechignant à payer ses indemnités de guerre, les troupes françaises et belges occupèrent la Ruhr. 11 janvier 1923, deux divisions d'infanterie et une de cavalerie, sous les ordres du général d'origine vosgienne Henri, commandant du 33e corps d'armée, épaulé par un contingent belge, occupe la Ruhr et ses sites de production industrielle. « Nous allons chercher du charbon, et voilà tout !» clame devant la Chambre des députés le président du Conseil, Raymond Poincaré. Alors, en 1924, les forces françaises se retirent de Dortmund sur un constat d'échec puisque, in fine, l'Allemagne n'aura payé que 20 milliards de marques, or, sur les 132 prévus initialement. Ah oui, s'ils avaient payé la totalité de ce qu'ils devaient à la France, eh bien peut-être qu'ils n'auraient pas eu les moyens de monter la Wehrmacht et de faire la Deuxième Guerre mondiale. Hein, peut-être. Eh oui, peut-être. Pour la France, pas question de transiger, ravagée par la guerre, elle a besoin de cet argent pour financer sa reconstruction. Et les pensions, sans compter le remboursement des énormes crédits accordés par le Trésor public américain entre 1915 et 1917. Ah oui, nous avions une dette vis-à-vis des États-Unis. Ah oui. Personne n'a oublié les 5 milliards de francs, francs or réclamés en 1871 par Bismarck et réglés par anticipation alors que le pays était en proie à la guerre civile et toujours occupé. Voilà. En 1922, quand Raymond Poincaré devient président du Conseil ministre des Affaires étrangères, il prend acte de l'inertie de l'ASDN, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et des entraves mises aux intérêts français par le Royaume-Uni et les États-Unis inquiets de trop pénaliser l'économie allemande. Dubitatif quant à la volonté de payer des Allemands, alors qu'il était jusque-là opposé, il opte pour une politique de force. Ouais, oui. Naturiste, dirait l'autre. Force. Naturiste. Voilà. La réalité est plus complexe. Grève du zèle, abandon de poste, d'aiguillage ou encore ralentissement massif de la production. L'illustration la plus célèbre en est le putsch de la brasserie, fomenté par Hitler à Munich les 8 et 9 novembre 1923. À terme, l'opération est un échec pour la France, qui se retire en août 1925. Deux plans, Debs et Jung, réaménagent les remboursements avant que les Alliés ne finissent par décider de renoncer à toute indemnité. L'Allemagne n'aura finalement payé que 20 milliards de marques or sur les 132 prévus initialement. Voilà, on a laissé à l'Allemagne, les Alliés ont laissé à l'Allemagne les moyens de se réarmer et de préparer la revanche, de mettre au pouvoir un certain Adolf Hitler et le parti nazi, Nationalsozialismus, hein, qui a fait les ravages que l'on sait, 64 millions de morts en Europe et ailleurs. Eh oui. Oh mais, bon, les Allemands, ils ont mal voté, mais ils savaient pas qu'ils votaient mal. Mais non, ils ont compris après, trop tard. Mouvance ultra-droite. Alors, oui, c'est un événement presque passé inaperçu de ce côté-ci du Rhin. Début décembre, une tentative de coup d'État a été démantelée en Allemagne. 3000 policiers mobilisés pour interpeller 25 personnes, se faisant tout appeler Reichsbürger, des citoyens du Reich. Un prince, des policiers, des militaires, un armurier de haut vol. Leur point commun, être liés à l'extrême droite allemande. Alors, cet article de journal, là, il date du Vosges Matin, lundi 16 janvier 2023. Hein, il s'agit pas de 1923, il s'agit de 2023. Hein? Ah ben oui, faut pas mélanger toutes les époques, hein. Il y a des faits qui se ressemblent, parfois, hein, qui semblent se raccorder, qui semblent avoir un lien, voilà, hein, eh oui, il y a qu'un siècle d'écart, hein, et bon, voilà, et de guerre mondiale, hein. Enfin, politique, réforme des retraites, semaine cruciale. Une première journée de mobilisation nationale est prévue cette semaine, le 19 janvier. Tous les syndicats sont unis, avec derrière eux la gauche. Leur objectif, avoué ou pas, est de réunir 1 million de personnes dans la rue. Ce jeudi donnera le « la » de la mobilisation sociale. Alors, aussi, les collectes de sang pourraient disparaître en avril. Sylvain Zanetti, président du comité régional Lorraine, Champagne-Ardenne, des donneurs de sang bénévoles, s'associe à d'autres responsables pour attirer l'attention sur les difficultés de l'établissement français du sang à l'échelle de l'Hexagone. Confronté à de gros problèmes financiers, la structure publique ne peut pas boucler son budget. Sans elle, pas de collecte possible. Sur l'ensemble de la France, il manque 200 médecins pour le don du sang. Alors, rappelons que Martine Pierron, par exemple, de Saulcy-sur-Meurthe, a été sauvée par des transfusions sanguines. Avec d'autres présidents de comités départementaux ou régionaux. Sylvain Zanetti, qui dirige celui de Lorraine-Champagne-Ardenne, a adressé un courrier au président de la République. Pour aller alerter sur une situation aux conséquences dramatiques. Si le don de sang bénévole s'arrête, c'est la porte ouverte aux opérateurs privés. Opérateurs privés, dont certains œuvrent déjà aux États-Unis, par exemple. Financée par l'État, la structure publique est à bout de souffle et cherche une rallonge de 108 millions d'euros. Voilà la période que l'on vit. Fermeture du collège. Il n'y aura pas d'établissement transitoire au Val d'Ajol. À l'issue d'une réunion organisée ce vendredi entre le collectif Tous Unis pour un collège au Val d'Ajol et les différentes institutions publiques, le projet d'un établissement transitoire dans la commune a été rejeté. Les contraintes pédagogiques seraient trop importantes selon la directrice académique des services de l'éducation nationale. Le collectif accuse le coût. 8 milliardaires possèdent 90% des médias. 8 milliardaires possèdent 90% des médias. Citoyennes, citoyens, le 19 janvier, vous êtes invités à envahir les rues de nos grandes villes et descendre les Champs-Élysées jusqu'au palais présidentiel pour rendre hommage à Kylian Mbappé et l'équipe de France de football. Ah, vous voyez, le sport, la politique. Hein Post-guerre, si c'est vrai, c'est dans le progrès, qui résume bien l'objectif de la guerre en Ukraine pour les USA, à savoir réduire l'industrie en Europe, lui faire payer son gaz 4 fois le prix, etc. Et les courbettes du rouletlet de France sont dignes du ridicule du bourgeois gentilhomme de notre Molière. On peut partager, bien sûr. Les libertés auxquelles vous renoncez aujourd'hui sont les libertés que vos petits-enfants ne connaîtront jamais. Les libertés auxquelles vous renoncez aujourd'hui sont les libertés que vos petits-enfants ne connaîtront jamais. Les retraites, les salaires augmentent beaucoup moins que les prix. Il y a 6 millions de chômeurs, de 45% seulement sont indemnisés. Plus de 10 millions de pauvres dans ce pays. N'oublions pas que c'est le chômage qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir. Quelle régression, quelle honte. Le CNR, Conseil National de la Rénovation, dixit Macron, ne remplace pas le vrai CNR, Conseil National de la Résistance. De qui se moque-t-il? Aurait-il été résistant, Macron? Les milliardaires s'enrichissent monstrueusement. Le reste de la population est humilié et appauvri. Ce n'est pas tolérable. Nos enfants et petits-enfants comptent sur nous. Réagissons. Résister ou collaborer, il faut choisir. Voilà. La plus grosse chaudière biomasse de France sort de terre. D'un coût de 200 millions d'euros, la centrale de cogénération biomasse de Green Valley Energy commence à être construite sur le site de la papeterie Norsk Skog à Golbey. Green Valley Norsk Skog. Alors, c'est des mots étrangers difficiles à prononcer, hein. Si on disait la même chose en français, hein. Le français, c'est ringard, c'est une langue. Allons. Le français, Mais tout, faut tout mettre en anglais maintenant. Mais oui, oh oui. Eh oui, on est des larbins, alors. À partir de mars 2024, elle produira de la vapeur et de l'électricité en brûlant du bois de démolition. Oh, il y a tellement de bois de démolition dans les Vosges. On démolit beaucoup. Bon, on a démoli les tours du Rumont. Et puis d'autres immeubles du Rumont, tout ça c'était du béton, il n'y avait pas de bois. Hein? Alors, 50 euros, c'est le tarif de consultation de base que veulent obtenir les médecins libéraux contre 25 euros aujourd'hui. Voilà. Ensuite, médecins patients, ben voilà, oui, médecins patients. Les médecins libéraux sont en grève ce jeudi et ce vendredi. C'est du passé déjà, mais enfin bon. Culture. La baguette de pain française au patrimoine immatériel de l'humanité. Eh ben, celui qui trouve qu'une baguette, c'est du patrimoine immatériel, il sait pas à quel point ça peut être bon à manger, une baguette. C'est concret, une baguette de pain. C'est très concret. Ah oui, oui. C'est très bon, très concret. Voilà. Donc, c'est pas du patrimoine immatériel. À moins que. Bon, Franciuski Drolak. Un afflux record de réfugiés en Allemagne. Guerre en Ukraine. Après 9 mois de guerre en Ukraine, le nombre de personnes venues se réfugier en Allemagne est déjà supérieur à celui de 2015-2016 lors du conflit syrien, engorgeant les centres d'accueil. Eh oui. Les Allemands sont obligés de recueillir des Ukrainiens. Ah, c'est comme ça, là. La roue de l'histoire tourne. Elle tourne, elle fait un tour. Puis quand elle a fait un tour complet, elle revient à son point de départ, quoi. Hein, ben voilà. De Martel et Remiremont, une borne de recharge électrique opérationnelle. Opérationnelle. Alors, voilà, ces hommes qui arrêtent des airs, depuis 22 ans, le retraité des usines Peugeot à Sochaux, Oumar Niang, trompe l'aridité des terres du Sahel. L'homme, aux 84 hivers, y a développé une agriculture vivrière basée sur un maraîchage local. Avant, des bocages houés vivent sur les principes ancestrales. Le principe ancestral de l'agronomie foresterie pour favoriser la biodiversité, nourrir le sol, protéger du vent et du soleil. Les futures plantations, car entre les membres, les aubergines et du piment, des plantes médicinales et des carottes, des salades, des haricots et des courgettes ont poussé dans du compost fait de cendres et d'herbes sur un paillage de drèches de riz retenant l'eau. Cette terre des dosses. Cette terre très pauvre car sablonneuse du Diétri est désormais nourricière. Voilà, on peut faire voilà, le désert peut parfois reculer quelque peu. La force de l'exemple. L'agence spatiale européenne ESA a dévoilé la nouvelle promotion d'astronautes composé de 4 hommes et de 2 femmes susceptibles de participer aux futures missions dans l'espace. Sur 22 523 candidats ou candidates au voyage orbital, un tiers était de nationalité française. La raison de cet engouement tricolore est évidente et tient à la force de l'exemple. Thomas Pesquet, le meilleur ambassadeur de l'aventure spatiale, jamais sorti des rangs de l'ESA, a suscité des milliers de vocations. Voilà. Bravo. Enfin,